La signalisation de l'intersection est composée d'un feu tricolore sur lequel est fixé un panneau de céder le passage. Bien retenir que le panneau de priorité n'est à utiliser que lorsque les feux ne fonctionnent pas ou sont au jaune clignotant. C'est le cas ici, il faut tenir compte du panneau. Je dois céder le passage. Mais à qui? Le panonceau indique que l'axe prioritaire vient d'en face et va vers ma gauche. La voiture en face qui veut tourner est sur l'axe prioritaire. Je dois donc lui céder le passage.